Alors donc, c'est tout le phénomène est extrêmement intelligent. Alors on va répondre à vos questions lors de la deuxième partie. Merci beaucoup, Daniel. On pourra dévoiler un peu plus. Donc, c'est possible de vous procurer le billet pour la prochaine conférence ce soir et vous obtenez la première partie que vous venez d'entendre gratuitement sur cassette. Le prochain séminaire intensif avec Daniel.